Mardi 2 août, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. Ben, on va couvrir le bulletin de sport en parlant d'Alex Bussière de Dolboom Sesny, qui était de retour à la compétition et l'athlète de Dolboom Sesny a bien fait. Il a pris le deuxième rang dans une compétition qui se déroulait à Sherbrooke. Bussière a réussi un temps de 3 minutes, 53 secondes et 15 centièmes. Pour Alex Bussière, c'est un retour à la compétition puisqu'il a subi un claquage au cours des derniers mois. Bonne nouvelle pour Michel Laprise, originaire de Normandin, qui est employé à RDS depuis plusieurs années. Il sera chef d'antenne aux Jeux Olympiques, entre autres avec Frédéric Plante et Claude Mayotte. Laprise aura comme mandat de faire la transition entre chaque sport. On va tenter de le rejoindre au cours des prochains jours. On sait que les Jeux Olympiques débutent vendredi au Brésil. La ville de Robertval déposera d'ici le 31 août prochain deux projets pour rénover le centre sportif Benoît Lévesque. Le projet, qui pourrait être financé par les deux paliers du gouvernement au coût de 6,8 millions, sera entre autres financé par le programme Fonds Chantier Canada. Le système de réfrigération, lui, sera remis aux normes au montant de 1,2 million. Le gouvernement du Québec sera sollicité pour un montant de 40% du projet et les contribuables de Robertval paieront le restant. Le maire de Robertval, Guy Larouche, espère évidemment commencer les travaux le plus rapidement possible. Il y a les Saguenay de Chicoutimi qui ont nommé Serge Proulx à titre de directeur des opérations pour la prochaine année. Proulx possède un bagage très bien rempli puisqu'il a remporté le titre de directeur administratif de l'année en 2013 et 2014, en plus d'être directeur du marketing de l'année en 2013 avec le Drakkar de Bécomo. Les Voyageurs de Jonquière ont surpris tout le monde hier en remportant le premier match de série. Hier, ils ont gagné 5-4. Il y a Yann-Éric Tremblay qui a été le lanceur gagnant. On va reprendre ça ce soir dans le deuxième match de la série. Et il y avait du soccer hier dans les différentes lignes. Ça achève d'ailleurs la saison de soccer incroyable, pareil. D'abord, on va parler dans la catégorie du côté du U16 féminin. Verdict nul de 2-2 entre Alma et Dolboom Sesny. Dans le U16 féminin en division 2 également, le FC de Robertval et l'attaque de Saint-Prime se sont livrés un verdict nul de 0-0. Senior féminin division A, victoire de 7-0 du Mistral contre Saint-Prime. Et dans le senior masculin division 1, verdict nul de 3-3 entre le FC du Lac, ça c'est l'équipe de Robertval, et les Heat de Saint-Ambroise. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Marc-André Leclerc, qui est analyste au 99.5. On fait le bilan de la 62e traversée du lac Saint-Jean. Caroline Deville vient faire le bilan de la Coupe Rogers qui s'est terminée dimanche. Et Serge Cloutier vient nous parler de la victoire de Jimmy Walker au tournoi de la PGA. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.